réplique les derniers feux de l'Ancien Régime avec Benedetta Craveri et Emmanuel de Varesquiel. Tout en reconnaissant notre dette immense à l'égard de la Révolution, je suis depuis longtemps intrigué et même fasciné par cette confidence de Talleyrand à Guizot. Qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1789 ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. Faute d'avoir vécu dans ces années-là, à l'impossible nul n'est tenu, mes deux invités d'aujourd'hui les ont étudiés avec une érudition passionnée. Emmanuel de Varesquiel est l'auteur d'une somptueuse biographie de Talleyrand et Benedetta Craveri vient de publier « Les derniers libertins », le roman vrai à travers sept destins emblématiques des ultimes feux de la monarchie. Ils vont donc pouvoir répondre à la question qui me hante. De quoi cette douceur était-elle faite ? Quels en étaient les protagonistes et les bénéficiaires, Benedetta Craveri? C'était une art de vivre qui avait commencé au début du XVIIe siècle. J'ai essayé de retracer cette histoire dans un livre précédent qui s'appelle « L'âge de la conversation ». Au moment où la noblesse, mise en crise par la croissance du pouvoir de la monarchie absolue, choisit de continuer à garder la place qui lui est dû à la cour, mais il se retrace un espace privé où il peut poursuivre un style de vie qui est un élément distinctif de son identité et de sa classe. Un art de vivre qui se base sur la conversation, sur l'échange verbal, mais aussi sur la littérature, la poésie, le spectacle, la lecture. Et cet art de vivre devient un des éléments distinctifs de la noblesse et il ne se limite pas à la noblesse parce que c'est un modèle qui se base surtout sur l'éducation exquise, sur des manières et une politesse qui règle les différences et les distances et qui va conquérir à fur et à mesure toute la haute bourgeoisie française. Au XVIIIe siècle, les grands financiers jouent un rôle essentiel dans la définition de ce plaisir, de cet art de vivre. Et donc, c'est un mélange de culture, de politesse, c'est une espèce d'utopie. La vie reste très dure au XVIIe siècle. La crainte de la mort hante même les gens les moins religieux. Et au XVIIIe siècle, ça va s'épanouir aussi grâce aux Lumières, grâce à un nouveau idéal tout séculaire d'existence. Et au fond, à la fin du XVIIIe, jusqu'avant la Révolution, dans les années 80, on n'a plus de grands écrivains. Diderot, Voltaire, Rousseau sont morts. Qu'est-ce qui reste vraiment de distinctif de cette civilisation ? Cet art de vivre. Oui, et un art de vivre dont vous montrez dans votre livre, Benedetta Craveri, qu'il avait quelque chose de spécifiquement français, puisque les Anglais était étonné et même fasciné par, dites-vous, la prédominance des usages mondains sur la vie privée et le savant naturel avec lequel la noblesse française se mettait en scène. Et un peu plus loin, vous parlez d'une civilisation éminemment théâtrale. Oui, c'est vrai, parce que génération après génération, toute une société apprend à se maîtriser. Au fond, qu'est-ce que c'est la conversation qui est un des éléments distinctifs de cet art de vivre ? C'est un moment d'exposition totale de l'individu. Au moment où je vous parle, vous me regardez, vous pouvez voir mon visage, mon expression, ce que je dis, la manière dont je le dis. Et donc, c'est une représentation de soi éminemment théâtral. Et Chamfort, qui est le dernier grand moraliste classique qui, je croise souvent dans mon livre, va faire éclater, faire sortir ce côté aussi fictif, artificiel. On interprète un rôle qui a été établi. Mais chaque acteur amène à cette interprétation son talent personnel, qui se base dans l'interprétation elle-même, dans les nuances, dans la manière d'occuper la scène. Et Chamfort dénonce le côté artificiel, factif de cette civilisation, qui quand même le fascine. Oui, Chamfort le dénonce. Germaine de Staël, que vous citez, au contraire, fait l'éloge de la conversation. La conversation en France n'est pas simplement un moyen de communication des idées et des sentiments ou un échange d'instructions sur la marche de la vie. C'est un instrument sur lequel nous aimons à jouer et qui réjouit et fortifie l'esprit, ainsi que le fait la musique dans certains pays ou le vin dans d'autres. Emmanuel de Varesquiel, comment définiriez-vous à votre tour cette douceur de vivre ? Oui, j'ai envie de revenir sur une expression que vous avez, un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, qui est le mot usage. Pour moi, ce siècle de la douceur de vivre, c'est le règne des usages. Et au fond, si la révolution introduit quelque chose sur un certain plan, sur beaucoup d'autres plans, beaucoup d'autres choses, c'est le règne des procédures qui va remplacer le règne des usages. Et c'est ce qui caractérise, à mon avis, le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est que la préséance des rangs, l'étiquette, la bienséance, la juste distance que l'on observe par rapport à son interlocuteur, par rapport à ceux avec qui l'on est. Talleyrand a écrit un petit texte très passionnant de ce point de vue-là, qui s'appelle « Le bon ton, le bon goût et les bons usages » donnent et permettent à l'individu, en société, une certaine liberté. À partir du moment où on respecte ces usages, on a la liberté précisément de les transcender dans la discrétion et, je dirais, dans l'intimité. Et c'est cette espèce de relation paradoxale entre la liberté de l'individu, qui peut aller jusqu'au libertinage, et le respect de ses usages, qui, comme le dénoncera Chamfort, peut constituer, aux yeux de certains, une forme d'apparence ou de masque, qui caractérise, à mon avis, cette douceur de vivre du 18e. Oui, mais vous dites, respect des usages, et en même temps, nous sommes au 18e siècle, le siècle des Lumières, et cette douceur de vivre, si j'en crois d'ailleurs votre livre Benedetta Craveri, est imprégnée par l'esprit des Lumières, et les aristocrates eux-mêmes y sont très sensibles. Je crois que c'est le comte de Vaudreuil, par exemple, qui, lors de la Révolution française, si je me souviens bien, a pris le parti de la monarchie, sans hésiter, et pas la monarchie constitutionnelle, la monarchie absolue, était l'ami de Chamfort, et surtout, il avait fait représenter le mariage de Figaro, que le roi avait voulu interdire. Donc il y a cette tension, semble-t-il, d'un côté la bienséance, et de l'autre côté, un esprit de liberté qui s'attaque au principe même de la société hiérarchique. Dans Vaudreuil, il y a aussi ce que on pourrait dire maintenant définir la gauche caviar. C'est un aristocrate tout puissant à la cour. Et pourquoi il est tout puissant? Parce qu'il est l'amant de la duchesse de Polignac, qui est la favorite de la reine, et qui utilise son pouvoir sur Madame de Polignac pour escroquer à la reine les charges, tous ceux dont la famille Polignac et leurs amis rêvent. Donc, il est profondément conservateur, il est très patriote, il est très français, il défend un style français, il est un grand collectionneur, c'est un des premiers qui vise à créer une collection exclusivement de peintres français pour montrer que, à partir du XVIIe siècle, la peinture française a pris la place de la grande peinture italienne. C'est lui qui va encourager les grands peintres néoclassiques comme David, etc. Et en même temps, il se sent tout puissant. Cette noblesse est tellement imbue de ses privilèges qu'il s'amuse qu'on puisse se prendre jeu d'eux comme dans le mariage de Figaro. L'important, c'est qu'on respecte et on continue à admirer leur style. Et donc, Vaudreuil est l'incarnation même de cette contradiction. entre les privilèges et la faveur. Mais les autres, mes autres libertins ne sont pas comme ça. Ils sont des serviteurs fidèles de la monarchie, ils sont tous des soldats. Ils croient dans le mérite, ils veulent servir le roi, mais ils sont tous imbus de l'esprit, de l'éducation des Lumières. Ils sont francs-maçons, ils croient dans l'égalité, ils sont libéraux, et ils sont tous tournés vers l'Angleterre, et ils pensent... Et même l'Amérique. Mais puisque deux d'entre eux vont participer à la guerre d'indépendance. Oui, et le duc en de Angleterre, Lausanne et Louis-Philippe de Ségur. En Angleterre, ils découvrent la monarchie constitutionnelle. Et Lausanne, par exemple, quand il va se battre aux États-Unis et gagne, au fond, c'est lui qui gagne le premier la bataille de Yorktown en conduisant à la tête de ses hussards. Qu'est-ce qu'il découvre en Amérique? Un pays libre où les citoyens choisissent leur loi, la manière où ils veulent être administrés, où il y a l'égalité, et ils découvrent que la démocratie n'est pas un pays d'utopique livresque, mais c'est une réalité vivante, et c'est normal qu'ils rentrent en France avec un esprit profondément changé. Donc ce sont des expériences réelles, pas seulement qui ne se basent pas seulement sur les livres. Oui, c'est intéressant parce que derrière ces usages, derrière ces préséances, cette bienséance, derrière la scène, derrière le décor, les personnages dont s'est emparé Benedetta Craveri, ces aristocrates des derniers feux de l'Ancien Régime, sont pris dans une contradiction et une tension. Et au fond, ils appartiennent, ils ont un pied dans deux sociétés qui sont fondamentalement antagonistes. Une société qui est la société d'ordre d'Ancien Régime, qui est organisée autour d'une différenciation juridique des différentes parties de la société, et une société politique quasiment pré-démocratique qui s'exprime à travers les loges maçonniques, à travers les académies de province, à travers les collèges aussi, je pense aux oratoriens. Et au fond, ils sont pris dans leur contradiction qui fait qu'ils sont à la fois du côté du privilège et de la faveur, et en même temps du côté du mérite. Et au fond, demandeurs de la reconnaissance de ce qu'ils portent, c'est-à-dire par leur intelligence, par leurs écrits, par leur vie, c'est-à-dire l'existence de ce mérite qui est le leur. Et cette contradiction va se résoudre dans la violence et au fond dans une forme de coup d'État, qui est ce renversement de souveraineté incroyablement brutal, qui s'opère en quelques jours entre le 17 et le 23 juin 1789, autour du serment du jeu de paume le 20 juin 89. Alors, ils sont intéressants, ces personnages, ces aristocrates des derniers feux de l'Ancien Régime, dans la mesure même où ils portent, et Talleyrand en étant, dans la mesure même où ils portent cette contradiction-là en eux. Oui, et je reviens une seconde... C'est tellement humain aussi. Je reviens une seconde à Vaudreuil. Donc, il décide de faire jouer dans son théâtre privé le mariage de Figaro, parce que la pièce avait été frappée du veto de Louis XVI, c'est détestable, cela ne sera jamais joué, et les invités ne montrèrent, vous le dites, pas d'embarras aux tirades de Figaro, dénonçant leurs vices et privilèges, et la comédie eut un énorme succès. Et là vous commentez, Benedetta Craveri, après tout, que pouvait importer à la parfaitement bonne compagnie, si empreinte de sa supériorité, qu'elle s'offrait le luxe d'accepter la moquerie de ses inférieurs, qu'on l'accuse d'immoralité et d'abus de pouvoir, si on rendait justice à son élégance? Et en effet, le principe hiérarchique demeure, parce que vous dites, par exemple, que en 1789, les cahiers de doléances des habitants, des propriétés, notamment de Vaudreuil et du comte d'Artois, dénoncèrent les ravages que le gibier en liberté, qui n'était pas autorisé à abattre, provoquait systématiquement dans les vignes et les récoltes, réduisant pas moins de 300 000 familles à la mendicité, plainte que Vaudreuil et Artois ne s'étaient jamais donné la peine d'écouter. C'est vrai, mais d'un autre côté, et ça c'est quand même très surprenant, il y a une forte amitié qui lie Vaudreuil et Chamfort, Chamfort, quand même, porte-parole du principe égalitaire, qui, dans ses anecdotes, ses maximes et ses pensées, se moque du préjugé nobiliaire. Et puis, il y a aussi le duc de Brissac, qui est resté proche de la famille royale jusqu'au bout, qu'il a payé de sa vie, et vous dites que dans sa bibliothèque figure le dictionnaire de Bayle, les rêves d'un homme de bien de l'abbé de Saint-Pierre, de l'esprit des lois de Montesquieu, les 20 volumes in folio de l'encyclopédie, l'histoire philosophique des Indes par l'abbé Raynal, les œuvres de Voltaire, Helvétius, Rousseau. On est quand même en plein paradoxe. Oui, mais quand même, Brissac était un vrai libéral. Et à la différence de Vaudreuil et du comte d'Artois, il adorait les daims, les bêtes sauvages qui peuplaient ces bois. Et il ne voulait pas qu'on les chasse. Il ne voulait pas les tuer. Et il était prêt à payer les paysans pour les rivages, que ces bêtes magnifiques qu'il admirait du point de vue esthétique, du point de vue, comme on dirait aujourd'hui, animaliste. Est-ce oui. qu'on utilise le mot? Ah oui, on utilise oui. beaucoup le mot aujourd'hui. puissent survivre. Donc, deux grands aristocrates qui utilisent, même vis-à-vis de la chasse, des attitudes profondément différentes. Brissac applaudit 89, mais 89 s'annonce comme non pas comme une révolution, personne ne savait vraiment la signification du mot révolution, mais comme une réforme libérale dans la perspective d'une constitution dont la France avait carrément besoin. Oui, j'ai sous les yeux une des anecdotes de Chamfort. Monsieur de Brissac, ivre de gentilhommerie, désignait souvent Dieu par cette phrase, le gentilhomme d'en haut. S'agit-il du même monsieur de non, Brissac? Non, il s'agit du père. Il s'agit du père. Un personnage assez pittoresque. Mais dans Chamfort et Vaudreuil, il y a une fascination réciproque qui est très compliquée. Il y a un très beau livre de Claude Arnault, une biographie de Chamfort, qui l'explique très bien. Chamfort est un bâtard, est le fils d'une femme de la haute noblesse qui, apparemment, l'enfante avec un prêtre. Et il est élevé par une famille du peuple et il connaît il se sent un fils du peuple. Et il est un premier de la classe, il aboutit à un collège avec des bourses, il fait une magnifique carrière intellectuelle. Mais il garde quand même cette frustration et cette idée mythique de la noblesse. Et donc, il est un personnage partagé en deux. Et même dans ces anecdotes, dans cette analyse, dans cette anatomie terrible de la société d'Ancien Régime, il y a comme une nostalgie d'un moment mythique où ces masques étaient quand même des extraordinaires exemples d'une manière supérieure de vivre. Oui, et en même temps, Vaudreuil lui-même doit être un homme partagé parce que Chamfort a des mots très durs contre une noblesse qui avait tendance, pour employer le langage de Tocqueville, à ne voir de semblable que dans les membres de sa caste. C'est un fait avéré que Madame, fille du roi, jouant avec une de ses bonnes, regarda à sa main et après avoir compté ses doigts, « Comment ?» dit l'enfant avec surprise. « Vous avez 5 doigts aussi, comme moi ?» Et elle recompta pour s'en assurer. Donc, Mais Vaudreuil est fasciné par l'intelligence de Chamfort et il est trop lui-même trop intelligent et trop cultivé pour ne pas être complètement à son aise dans son personnage de courtisan exploiteur. Et c'est au moment des notables que cette amitié qui se poursuit depuis 10 ans, Chamfort habitait chez Vaudreuil, se brise. Avec la célèbre lettre de Chamfort à Vaudreuil, « Monsieur le Comte, ici il ne s'agit pas d'un jeu, il s'agit d'un procès entre 700 000 privilégiés et 24 millions de Français. » Et avant que nous en venions justement à la grande rupture de 89, je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur le sens que l'on doit donner pour encore explorer cette douceur de vivre, au mot libertin. Qu'est-ce qu'un libertin au XVIIIe siècle? Emmanuel de Varesquiel me fait signe, il me demande de poser d'abord la question à Benedetta Craveri. Parce qu'Emmanuel de Varesquiel est un gentilhomme d'ancien régime. Voilà. Moi, j'ai utilisé le mot libertin pour mes 7 personnages avec 3 nuances très différentes. Ils sont libertins dans le sens du XVIIe siècle. Ils sont des libres penseurs. Ils sont libertins dans le sens du XVIIIe, du Don Juan de Mozart, qui avait quand même déjà été précédé au XVIIe par le Don Juan de Molière. Ils sont des séducteurs. Chacun a sa liste. Ils n'ont pas 1003 conquêtes en Espagne comme Don Juan, mais ils sont des séducteurs, ils aiment les femmes et ils jouent sur différents tableaux. Ils ont les épouses, les maîtresses en tristre, les entretenues et ils ont un rapport très physique avec le sexe, avec l'amour. Boufflers le explique très bien à Madame de Sabran quand il tombe amoureux d'elle. Quand j'étais jeune, l'amour pour moi était tout physique. Et puis ils sont libertins dans un sens un peu plus élargi parce qu'ils sont des séducteurs, mais la séduction fait partie de cette civilisation, de cet art de vivre, de cette douceur de vivre dont vous parliez. Ils veulent plaire. La règle fondamentale de cette société, c'est plaire. Il y a même un petit écrit très, très significatif de Moncrief qui s'appelle « La nécessité de plaire ». Ils veulent plaire non seulement aux femmes, mais aux vieux messieurs, aux jeunes gens, à tout le monde. Ils veulent séduire par la grâce, la parole, l'élégance, la politesse. Emmanuel oui, ça peut être aussi un libertinage philosophique et qui implique une transformation progressive des rapports de ces aristocrates à la mort, par exemple. Au fond, l'abbé Prévost, dans Manon Lescaut, le dit, il y a cette phrase merveilleuse, « Tiens, voilà Lescaut, il ira ce soir dîner avec les anges. » Il y a un côté « Allons sur le pré, jetons le gant », et ça va jusqu'à Lauzin, sur lequel vous avez travaillé dans vos derniers libertins, qui a cette phrase, à qui on prête cette phrase merveilleuse, dans ton métier, mon brave, alors qu'il est sur le point de monter à l'échafaud, dans ton métier, mon brave, il faut avoir du courage. Il y a ce côté mépris de la mort et qui relève, alors, puisqu'on parlait de cette contradiction tout à l'heure, entre les privilèges d'un côté et l'égalité portée par les Lumières de l'autre, qui relève de l'esprit des Lumières et qui relève de l'éradication de Dieu au cœur de l'État, au cœur de l'organisation sociale, de l'organisation des pouvoirs d'État. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans le libertinage, qui va au-delà d'une forme de douceur de vivre et qui peut-être, ce libertinage-là n'est peut-être pas si doux que cela au fond. Mais vous avez parfaitement raison, mais c'est une société complètement sécularisée. Ce qui frappe, c'est l'absence totale de toute dimension métaphysique. Jusque à quelques décennies auparavant, tout le monde, tôt ou tard, était obligé de faire les comptes avec la mort, avec Dieu, avec la damnation, etc. Tout cela disparaît d'une manière... Oui. Vraiment impressionnant. Il faut vraiment lire le Prince de Ligne entre les lignes, par exemple, pour découvrir entre certaines lignes l'inquiétude, persistance de Dieu que quelqu'un comme le Prince de Ligne, qui est l'archétype de ces entre guillemets libertins de la fin du XVIIIe, porte encore en lui. On est toujours dans des contradictions et je trouve que ce XVIIIe siècle des derniers feux est le siècle des croisements et des antagonismes qui sont portés par cette aristocratie du second ordre qui va se dénouer dans la violence en 1789. Alors nous allons arriver au dénouement. Une dernière question avant 1789, si je puis dire. Quel était le rôle des femmes dans cette société? Quelle part prenait-elle à la douceur de vivre dont nous parle Talleyrand, Emmanuel de Vasquer. C'est un rôle essentiel. Souvenez-vous des premières lignes des mémoires d'Élisabeth Vigée-Lebrun, qui, comme vous le savez, est devenu à partir de 1778 le peintre officiel de Marie-Antoinette, enfin l'un des, qui dit les femmes, à propos des années 1780, qui dit les femmes régnaient alors, la révolution les a détrônées. Et Talleyrand, dans ses mémoires, au début de ses mémoires, a quelques pages magnifiques sur le rôle des femmes, qui est un rôle d'influence qui va bien au-delà de ses usages dont on parlait tout à l'heure, de ses comportements, de ses mœurs, du goût, mais qui est un rôle d'influence qui va jusqu'à la politique à travers le système des salons et Talleyrand le raconte en quelques pages de façon très pertinente. Vous êtes d'accord, Benedetta Craveri? Oui, tout à fait. Il y a ce paradoxe qui accompagne la royauté féminine à travers le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les femmes sont des citoyennes de seconde classe. Et ils sont absolument sous le contrôle de l'autorité patriarcale et masculine. Et en même temps, ce sont elles qui décident vraiment de l'identité sociale de la noblesse. Ce sont elles qui décident des loisirs de la noblesse. Et la noblesse se définit à travers ces loisirs. Et qui influence d'une manière indirecte, secrète, et pas tellement secrète, la vie culturelle, les élections à l'académie, et l'élection des ministres. Mais c'est cela qui se retourne contre elle à l'approche de la Révolution. Parce que pour les hommes nouveaux et pour les révolutionnaires qui ont comme modèle Sparte, Athènes, etc., le pouvoir est masculin, la République est masculine. Et ce pouvoir abusif qui exerce les femmes, c'est un pouvoir hautement illégitime. Je rebondis sur ce que dit Benedetta Craveri, mais ce que la Révolution va reprocher à cette société dans ces régimes, c'est précisément une forme d'inversion des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Par exemple, ce qu'on va reprocher à Marie-Antoinette au cours de son procès, que j'ai un peu étudié en octobre 1793, c'est que le roi ne gouvernait pas et n'avait pas de maîtresse, alors que la reine exerçait le pouvoir et on lui prêtait par ailleurs des amants. Et c'est vraiment, la Révolution, c'est la revanche des hommes sur les femmes. Alors, ils sont renvoyés à leur foyer, si je veux dire. Est-ce que l'empire des femmes s'exerçait exclusivement dans les hautes sphères de la société, la grande bourgeoisie et l'aristocratie, ou est-ce que cela se diffusait aussi dans le reste de la société française? Si on doit croire au théâtre, à Molière et à Beaumarchais, les servantes jouent un rôle essentiel, incarnent le bon sens, la nature, l'instinct. Mais ce n'était vraiment pas comme ça. Je ne suis pas une historienne des mœurs, etc. Mais la condition de la vie était dure. Et les mariages aussi étaient très tardifs dans le peuple parce que il fallait beaucoup travailler pour ramasser un petit peu d'argent pour pouvoir accéder au mariage. Mais en même temps, même dans le théâtre de Marivaux, les femmes de toutes conditions ont un rôle crucial. Il s'agit pas simplement de Maria Marachais. C'est typique de la noblesse et ça revient à une tradition qui remonte au Moyen-Âge et à la grande tradition chevaleresque. Oui, on parle d'une société qui s'ouvre certes à la bourgeoisie, à la grande finance, mais qui reste une société aristocratique, une élite, une toute petite minorité au sein de cette France qui compte quelques 25 millions d'habitants à la fin de l'Ancien Régime, bien sûr. Mais dans votre livre « Juger la reine », Emmanuel de Varesquiel, vous dites effectivement que la Révolution, ce n'est pas seulement la victoire de l'égalité sur le privilège, c'est aussi la revanche des hommes sur le monde des femmes. Et là, il s'agit du monde des femmes quand même en général. Vous citez Élisabeth Vigée-Lebrun, « Les femmes régnaient alors, tant de la douceur de vivre, la Révolution les a détrônées ». Et j'ai appris aussi, en vous lisant, que l'un des juges de Marie-Antoinette, un dénommé Amar, eh bien, il a fait voter, par la Convention, un décret sur la fermeture des clubs et des sociétés de femmes. Ses arguments étaient simples, la constitution nerveuse des femmes, volontiers encline à la surexcitation, est mortelle pour la liberté comme pour les affaires publiques. C'est aussi l'un des enjeux. Il y a une forme de je ne veux pas jouer les avocats du diable, mais il y a une forme de misogynie ambiante dans les au creux de la révolution, à l'époque de la terreur. En tout cas, j'avais par ailleurs lu quelques procès-verbaux des mariages républicains présidés par Fouché à Nevers et à Lyon. C'est assez ébouriffant, je veux dire. À la suite de ces mariages qui sont publics sur une estrade devant l'hôtel sacré de la patrie, le jeune mari est envoyé aux frontières défendre la République, tandis que sa femme est envoyée à son foyer s'occuper de ses enfants et de ses casseroles. Ça se passe comme ça. Il y a une forme de misogynie ambiante sous la Révolution, et ce qui explique, Amar en effet fait fermer les clubs de femmes quelques jours après l'exécution de Marie-Antoinette, fin octobre 1793, et on sait que les procès de femmes, Marie-Antoinette n'a pas été la seule accusée à comparaître à la barre du tribunal révolutionnaire. On pense évidemment à Madame de Gouges, on pense à Madame Roland, on pense à Charlotte Corday et beaucoup d'autres. Madame du Barry aussi. Et Madame du Barry. Dont nous parlerons. Mais grâce à vous, Emmanuel Varesquienne, j'ai lu les réflexions sur le procès de la reine de Madame de Staël, c'est un texte magnifique, et dès le début, elle en dit l'enjeu. Ô vous, femmes de tous les pays, de toutes les classes de la société, écoutez-moi avec l'émotion que j'éprouve. La destinée de Marie-Antoinette contient tout ce qui peut toucher votre cœur. Et elle termine ainsi. Je reviens à vous, femmes immolées toutes dans une mer si tendre, immolées toutes par l'attentat qui serait commis sur la faiblesse, par l'anéantissement de la pitié, c'en est fait de votre empire si la férocité règne, c'en est fait de votre destinée si vos pleurs coulent en vain. Elle écrit. Oui, elle est la seule à avoir défendu. Vous me direz, il était difficile de défendre Marie-Antoinette au sein de la République en 1793. Elle écrit ce texte en Angleterre, puis le publie à Coppet en Suisse. Mais elle est la seule femme à avoir défendu publiquement une autre femme qui est Marie-Antoinette. Mais aux yeux de la Révolution, si vous voulez, le pouvoir des femmes est un pouvoir malsain. C'est un pouvoir qui est celui du secret, de la manipulation. Marie-Antoinette, aux yeux de ses juges et des jurés qui vont la condamner à mort au cours de son procès, est représentée est vue un peu comme une sorte de Mata Hari, si j'ose dire, de la fin du XVIIIe siècle. Elle a ce pouvoir de manipulation, qui est un pouvoir aussi, je dirais, de transgression des mœurs à travers les débordements sexuels qu'on lui prête, les centaines d'amants et les centaines d'amantes. Elle est la grande Messaline, mais elle est aussi la grande Tribade. Elle a couché avec tout le monde. Elle aurait même couché, prétend Hébert, qui vient témoigner, elle aurait couché avec son propre fils, le dauphin, et même pour des raisons politiques, de manière à l'énerver. Hein, c'est ça que vous expliquez aussi. Et au fond, l'exercice par les femmes de ce pouvoir, sous l'Ancien Régime, toujours aux yeux de la Révolution, est la manifestation de la dégénérescence du pouvoir, de l'amollissement du pouvoir. Et au fond, toute l'action de la Révolution, c'est une reprise en main du pouvoir par les hommes, au nom de la nation, du peuple et de la vertu, qui ne peut être incarnée que par des assemblées d'hommes. Mais tout cela remonte quand même à Rousseau. Ces gens, Jacques Rousseau, l'homme de la Révolution, l'homme du contrat social. Et Rousseau est clair, à partir de la nouvelle Héloïse, la femme doit régner au foyer. Et la seule dignité d'une femme est d'être citoyenne et mère d'un futur citoyen. Et c'est Rousseau qui va triompher quand même au XIXe siècle. Et toute l'Europe va devenir puritaine. Et il y aura cette idée bourgeoise de la femme qui doit être chaste au foyer et complètement dédiée à la famille et aux enfants. La traduction de ces rapports introduits au début du XIXe siècle, c'est le Code civil. Hein. Le Code civil, c'est tout de même le règne des hommes. et le pouvoir de supériorité des hommes sur les femmes du point de vue de la légalité. Il y a une continuité avec l'Ancien Régime, parce que pendant l'Ancien Régime, les femmes ne bénéficiaient pas de lois plus favorables. Mais c'était les mœurs et surtout les mœurs aristocratiques qui adoucissaient et changeaient la position des femmes. Donc, à nouveau, on revient à ce que vous disiez à l'avance, les usages et les lois. Et 1789, vous consacrez un long chapitre à la Révolution, Benedetta Craveri, aux destinées de vos différents personnages sous la Révolution, certaines tragiques. Mais je parlais de Madame de Staël, on apprend, enfin, ceux qui ne le savaient pas, qu'elle était la maîtresse de l'un de vos libertins, le comte de Narbonne, je ne me trompe pas, oui. Il est comte, j'ai peur de le faire de des erreurs dans les titres. Il a beaucoup flirté avec Talleyrand aussi, je crois, non? Oui, on ne sait pas s'ils ont été jusqu'au dernier transport, comme dirait Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe, mais il y a eu quelque chose. Ouais. Mais quelle était la position justement de Madame de Staël et de Narbonne au début de la Révolution française? Ils pensaient quoi en 1789? Ils étaient constitutionnels. Ils pensaient à une monarchie constitutionnelle avec deux chambres, sur le modèle anglais. Et comme les femmes étaient toutes puissantes, mais ne pouvaient pas jouer un rôle politique en première ligne, Madame de Staël, après la chute de Necker, de son père, investit Narbonne de l'action politique qu'elle aimerait bien conduire. Oui, concrètement, elle en fait l'un des derniers ministres de la guerre de Louis XVI, comme elle fera de Talleyrand le ministre des Relations extérieures du Directoire en 1798. Donc ils accueillent la Révolution. Ils sont favorables. Ils sont favorables à 89. Ils applaudissent tous 89. Tous vos personnages, vous diriez, peut-être pas Vaudreuil quand même. Pas Vaudreuil. Vaudreuil est obligé à quitter en vitesse parce que tout de suite après la chute de la Bastille, parce que son nom est lié au Polignac et les Polignacs d'une manière même exagérée, sont devenus le symbole de la corruption, de la cour, de l'indignité de Marie-Antoinette, et soi-disant. Et donc le roi lui-même les encourage à partir. Oui, le paradoxe aussi, c'est que parmi la noblesse, ceux qui sont touchés par ce principe d'égalité et qui sont sensibles constituent une minorité. C'est une noblesse, c'est ce qu'on appelait la noblesse de cour, très très différente des gros bataillons de la noblesse présente aux États généraux en mai 1789. Ce sont ces quelques dizaines de grands nobles de cour, entre guillemets, qui vont rallier le tiers-État dans les derniers jours de juin 1789, certainement pas la noblesse de province. Donc là, on est en présence d'une minorité dans la minorité. Hein. Oui, et c'est cette minorité qui vous a particulièrement intéressé. Alors, je voudrais qu'on s'arrête à deux destins tragiques, le duc de Lauzun et le duc de Brissac. Que leur est-il arrivé à l'un et à l'autre sous la Révolution française? Commençons par le duc de Lauzun. Le duc de Lauzun fait partie de cette élite aristocratique libérale, très liée à Talleyrand, très liée à Mirabeau, qui veulent avec une extrême décision que les États généraux donnent vie à une nouvelle France, à une nouvelle constitution. Il est militaire. Il assure pendant la Révolution la direction de plusieurs armées. Il est très lié à Narbonne. Et au moment de la chute de la monarchie, il est général des armées du Nord. Et il se trouve à devoir choisir prêter serment à la République ou s'enfuir, comme ils ont fait Lafayette et Dumouriez. Il est un militaire, un soldat. La France est en guerre, est encerclée par les ennemis. Et il décide que son devoir, c'est de se battre pour la défense du territoire national et pour ne pas abandonner ses soldats. Et donc, il prête serment à la République et continue à être dans l'armée, à avoir des postes très importants dans l'armée jusqu'au moment de la Vendée. Et là, il n'est pas prêt à faire face à une guerre non plus contre les ennemis, mais entre Français et Français. Et il essaie de trouver une apaisement, d'arriver à un accord. Mais son nom, sa conduite, son amitié avec Philippe Égalité, qui entre-temps a été guillotiné, etc., l'expose quand même à une fin assurée. Il démissionne parce qu'il ne veut plus faire face à la situation en Vendée. Les instructions qu'il reçoit sont contraires à ses principes. Et donc, on l'amène à Paris, on l'amène en prison et puis il est processé, guillotiné. Et Fouquier-Tinville l'accuse d'être né dans la caste des ci-devant privilégiés, ayant passé sa vie au sein d'une cour corrompue, à ramper servilement sous un maître. Il n'a pris le masque du patriotisme, comme les traîtres Custine, Lafayette, Dumouriez et tant d'autres, que pour tromper la nation aux intérêts de laquelle il paraissait se dévouer et abuser plus sûrement de la confiance qu'elle lui donnait, pour la remettre dans les fers du despotisme. On reconnaît là la rhétorique de Fouquier-Tinville. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel de Varesquiel, à l'arrivée du bourreau, il le pria de le laisser finir ses huîtres et lui offrit à boire en lui disant aimablement « Vous devez avoir besoin de force au métier que vous faites. » Oui, il est intéressant ce duc de Lauzun parmi les personnages dont parle Benedetta Craveri, parce que c'est celui de toute cette aristocratie libérale qui a été le plus loin en révolution. Et il prête serment à la République, mais il faut pas oublier qu'il prête aussi serment de haine à la royauté. Et on imagine le déchirement que le balancement que ça a pu représenter entre un code de l'honneur ancien dont il est l'héritier, qui est un code de l'honneur qui repose sur des fidélités personnelles et en particulier fidélité au monarque, et un nouveau code qui n'est plus celui de l'honneur, mais qui est celui de la vertu républicaine. La vertu prend la place de l'honneur et qui repose sur la fidélité à la patrie, la défense de la patrie. Et ces personnages, encore une fois, sont intéressants parce qu'ils sont à la charnière de ce renversement mental de représentation, et pas seulement du point de vue de leur statut juridique au sein de la société. C'est là où c'est passionnant. Et alors maintenant, parlons du duc de Brissac. Autre personnage qui a connu une fin atroce sous la Révolution. Le duc de Brissac est le moins intellectuel et peut-être le moins brillant, intelligent de mes sept personnages. Mais il est très émouvant quand même. Il est très émouvant, il est généreux, il est noble dans le sens profond du terme. Il se conduit depuis le début jusqu'à la fin un grand seigneur. Et tombe désespérément amoureux de Madame la Comtesse du Barry, qui était la dernière maîtresse en titre de Louis XV. Qui était une courtisane au départ. Qui était une courtisane. Et c'est une vraie belle histoire d'amour, parce que Brissac est convaincu que l'amour anoblit l'objet de la passion, et parce que Madame du Barry est une femme assez extraordinaire, parce qu'elle a été obligée à son métier d'origine par la pauvreté, mais elle est intelligente, elle est bonne, généreuse, un goût exquis, et les deux sont unis non seulement par une passion sentimentale et physique, mais parce qu'ils partagent le même sentiment du beau, de l'élégance. Ils sont tous philanthropes, ils sont tous les deux généreux. Et pendant longtemps, Marie-Antoinette Louis XVI regarde avec suspicion Brissac, parce qu'il déteste Madame du Barry, qui est devenue le symbole de la corruption, de la vieille monarchie, etc., etc. Mais au moment de la Révolution, Brissac montre jusqu'au fond sa fidélité au roi et accepte, lui qui était le colonel de la garde privée de Louis XV, accepte d'être le colonel de la garde du roi revisionné, comment dirais-je, remanipulé par les révolutionnaires. Et comme il essaie de faire très consciencieusement son devoir, et la suspicion règne partout, il y a eu la fuite de Varennes, on craint une nouvelle fuite du roi de la reine, il est mis sous accusation, il est envoyé à Orléans parce que le siège de la justice était à Orléans. Et puis, quelques jours avant le massacre de septembre, est transféré à Paris pour être jugé. Mais le convoi qui l'amène avec les autres prisonniers d'Orléans s'arrête à Versailles. Il y a une embuscade des sans-culottes qui vont à l'assaut des chariots. Et ils font une horrible tuerie de ces prisonniers qui sont quand même, ils ont les mains liées, ils sont impuissants dans leur chariot. Mais comme Brissac est très fort, très costaud et très courageux, il réussit à prendre un bâton. Et il se défend d'une manière incroyable jusqu'au moment où on le fond carrément en morceaux, puis on lui coupe la tête et on la jette dans le jardin de Madame du Barry à Louveciennes. Et on trouve dans sa veste un dernier billet qu'il voulait envoyer à la comtesse du Barry en disant « Mes dernières pensées seront pour vous ». Oui. Donc c'est vraiment une belle histoire. Donc c'est pas tout à fait un libertin, disons, au sens que justement le XVIIIe siècle a donné à ce mot. Aucun cynisme sexuel chez lui, aucun mépris pour l'objet qu'il désire, mais un amour extraordinairement sentimental. Absolument. Donc, et aussi une exception. Une grande fidélité quand même au plaisir, au désir. Une absence de sentiment de péché. Oui, on a. On jette la tête de Brissac au pied de Madame du Barry. On essaiera de jeter la tête de Madame de Lamballe sous les fenêtres de la tour du temple qu'habite Marie-Antoinette. Il y a une dimension dans ces profanations des corps. N'oublions pas qu'on profane aussi les corps ensevelis de la nécropole de Saint-Denis, qui est la nécropole royale. Cette profanation des corps participe d'un renversement de sacralité. On est là dans le cadre d'une nouvelle sacralité laïque et républicaine et d'un processus aussi d'expiation. Faire expier aux contre-révolutionnaires, aux tenants de l'Ancien Régime, leurs crimes au nom de la Révolution et au nom de la vengeance et de la patrie. Et puisque nous avons beaucoup parlé des femmes tout au long de cette émission, je voudrais que nous consacrions les dernières minutes à l'évocation du destin tragique lui aussi de Madame du Barry. Parce qu'on a jeté la tête du duc de Brissac dans le parc de son château de Louveciennes, mais il lui est arrivé malheur également. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé exactement, Benedetta Craveri? Mais c'est une histoire assez terrible, parce que Madame du Barry aurait pu se sauver, parce que victime du célèbre vol de ses bijoux et de ses diamants, qui avaient été volés et on avait essayé de revendre en Angleterre, Madame du Barry a fait beaucoup d'aller-retour avec Londres, sous la Révolution, et même après la mort de Brissac. Et elle va la dernière fois à Londres pour récupérer ses diamants au moment où Louis XVI va à l'échafaud. Et tous les émigrés français à Londres, et même Pitt, lui disent « ne rentrez pas ». En France. Mais elle est amoureuse de Louveciennes. Elle a été adorée par son village, où elle a été extraordinairement bienfaisante. Elle ne réussit pas à imaginer qu'on puisse à lui en vouloir. Et elle se trompe, parce qu'en rentrant à Louveciennes, elle trouve un Anglais révolutionnaire. Révolutionnaire professionnel. Professionnel. Georges Grève, c'est Grève, qui est passé cultivé, qui a fait des études d'avocat, qui a joué un rôle dans la Révolution américaine et qui essaie de faire carrière au sein des Jacobins. Et quelle idée lui traverse le cerveau, c'est de choisir Madame du Barry comme le dernier symbole de la corruption de l'Ancien Régime. Marie-Antoinette a été jugée et maintenant c'est le moment de la dernière courtisane de l'Ancien Régime. Et il la prend dans un piège où elle n'en sortira pas. Et Madame du Barry a un comportement face à la mort qui est assez singulier par rapport au comportement habituel des contre-révolutionnaires qui montent à l'échafaud et qui font preuve, la mort est omniprésente, hein, qui font preuve, je dois dire, d'un certain courage. Madame du Barry monte à l'échafaud en criant. Le prince de Ligne, dans ses mémoires, a une phrase, qui est assez étonnante à ce sujet. Et il remarque que si tous les contre-révolutionnaires condamnés à mort avaient autant crié que Madame du Barry, peut-être en aurait-on exécuté un peu moins. Et c'est la même réflexion de Madame Gillebrun, qui elle-même, fille du peuple, comprend très bien le comportement de Madame du Barry. Elle n'a pas le panache, l'orgueil aristocratique. Elle n'accepte pas de mourir d'une mort injuste, cruelle. Elle fait appel au peuple. Et le peuple s'émue. Et on est obligé de faire vite, de la supplicier immédiatement. Parce que cette foule qui était habituée à voir cette espèce de procession d'aristocrates dignes, indifférents, méprisants, et des carmélites qui allaient à la guillotine en chantant, voit une créature humaine dans sa faiblesse qui supplie et demande pitié. D'où cette conclusion d'Élisabeth Vigée-Lebrun, ceci m'a toujours persuadé que si les victimes de ce temps d'exécrable mémoire n'avaient pas eu le noble orgueil de mourir avec courage, la terreur aurait cessé beaucoup plus tôt. Écoutez, merci beaucoup Benedetta Craveri et Emmanuel de Varesquiel. Je rappelle le titre de votre livre, Benedetta Craveri, Les derniers libertins. Il est publié chez Flammarion. Jugez la reine, c'est votre dernier livre, Emmanuel de Varesquiel. Il a été publié aux éditions Talendier. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Lire Pascal aujourd'hui. Mes invités seront Jacques Julliard et Michel Schneider. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Clotilde Thomas. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.